Qu'est-ce que la Kundalini? Premièrement, introduction à la Kundalini, dévoiler l'énergie mystique. Kundalini, l'énergie mystique qui réside en nous, a captivé les chercheurs d'illumination spirituelle pendant des siècles. Enracinée dans les traditions anciennes et adoptée dans les pratiques spirituelles modernes, la Kundalini a le potentiel d'éveiller l'énergie spirituelle endormie et de faciliter une transformation profonde. Dans cet article, nous nous embarquerons dans un voyage pour percer les secrets de la Kundalini, en explorant ses origines, sa signification et la science derrière son éveil. Nous approfondirons la relation complexe entre la Kundalini et le système des chakras, examinerons les étapes, les symptômes et les défis de l'éveil de la Kundalini et découvrirons diverses techniques telles que la méditation, le yoga et la respiration qui peuvent aider à éveiller et à exploiter cette puissante énergie. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les profondeurs de la Kundalini pour déverrouiller sa sagesse cachée et embrasser le chemin de la croissance spirituelle et de l'illumination. Le concept de Kundalini dans les traditions anciennes. La Kundalini est un concept dérivé d'anciens textes sanscrits qui désigne une énergie mystique dormante située à la base de la colonne vertébrale. Ce concept est répandu dans diverses traditions anciennes et pratiques spirituelles à travers les cultures et les continents. Les traditions tantriques, le Hatha Yoga et d'autres courants spirituels l'ont utilisé comme un outil pour parvenir à l'illumination et à la transformation spirituelle. Les traditions tantriques ont été les précurseurs du concept de Kundalini, avec des textes comme les Shiva Sutra et le Vijnana Bhairava Tantra qui décrivent l'éveil de la Kundalini comme un moyen de réaliser l'union de l'individu avec le divin. Dans le Hatha Yoga, la Kundalini est vue comme une force vitalisatrice, un pouvoir spirituel latent qui, lorsqu'elle est éveillée, peut monter le long de la colonne vertébrale, réveillant les chakras et élargissant la conscience. Le Gheranda Samhita, un texte clé du Hatha Yoga, contient des instructions détaillées pour l'éveil de la Kundalini par la pratique de postures et de techniques de respiration. D'autres traditions, comme le yoga tibétain, le taoïsme chinois et le soufisme musulman, abordent aussi le concept de Kundalini, même si elles utilisent parfois des termes différents pour le désigner. Kundalini dans les pratiques spirituelles modernes. Ces derniers temps, le concept de Kundalini a connu une popularité croissante dans les pratiques spirituelles modernes. Des personnes de tous horizons cherchent à exploiter cette énergie dormante en vue d'une découverte de soi et d'une croissance personnelle. Des techniques telles que le yoga Kundalini, la méditation et d'autres pratiques sont utilisées pour réveiller et puiser dans ce pouvoir inné à l'intérieur. L'un des principaux acteurs de cette popularisation en Occident est Yogi Bhajan, qui a introduit le Kundalini Yoga dans les années 1960 et a fondé l'école de Kundalini Yoga et Sikh Dharma International. Son enseignement a mis l'accent sur l'utilisation de mantras, de pranayama, technique de respiration, et d'asanas, posture, pour stimuler l'énergie de Kundalini et atteindre un état de conscience élevé. La perception occidentale de la Kundalini a également été influencée par le travail du psychologue suisse Carl Jung. Jung a exploré le concept de Kundalini dans le cadre de sa théorie de l'inconscient collectif, considérant cette énergie comme un symbole universel de transformation et de croissance psychologique. En gros, les pratiques et méthodes visant à éveiller la Kundalini sont de plus en plus nombreuses dans le monde occidental. Elles sont désormais considérées comme un outil puissant pour l'éveil spirituel, l'auto-réalisation et la guérison. De comprendre l'éveil de la Kundalini, origine et signification. Contexte historique de l'éveil de la Kundalini. Les origines de l'éveil de la Kundalini remontent aux anciennes écritures indiennes, notamment aux Upanishads et au Yoga Sutra de Patanjali. Ces textes sacrés fournissent des explications détaillées sur l'énergie Kundalini, qui est considérée comme une force spirituelle primordiale résidant à la base de la colonne vertébrale. Ils décrivent également diverses techniques pour réveiller et canaliser cette énergie afin d'atteindre des états de conscience élevés et l'union avec le divin. Au fil des siècles, ces pratiques se sont transmises de génération en génération, formant la base de nombreuses traditions spirituelles et influençant les systèmes de pensée tels que le tantrisme, le yoga et même certaines branches de l'hindouisme et du bouddhisme. Au Moyen Âge, la pratique de l'éveil de la Kundalini s'est répandue à travers tout le sous-continent indien, avec des mystiques et des saints comme Gorakhnath, Matsyendra et Geranda qui ont prôné cette méthode pour atteindre l'illumination spirituelle. Ce n'est que dans la seconde moitié du XXe siècle que le concept de Kundalini est devenu plus largement connu en Occident, grâce à des maîtres spirituels tels que Swami Vivekananda, Paramahansa Yogananda et Yogi Bhajan, qui ont aidé à populariser la pratique du Kundalini Yoga à l'extérieur de l'Inde. Aujourd'hui, les pratiques d'éveil de la Kundalini sont étudiées et pratiquées dans le monde entier, avec une variété de courants et de méthodes adaptées aux besoins et aux objectifs de chaque pratiquant. Signification de l'éveil de la Kundalini dans la croissance spirituelle. L'éveil de la Kundalini est souvent considéré comme une étape cruciale dans le développement spirituel d'une personne. Selon les traditions tantriques et yogiques, lorsque l'énergie Kundalini monte à travers les sept chakras principaux, elle les purifie et les équilibre, permettant ainsi un alignement énergétique optimal. Ce processus peut entraîner une transformation intérieure profonde et durable, facilitant l'évolution spirituelle de l'individu. En éveillant cette énergie latente, l'individu peut atteindre un état de conscience plus élevé, plus connecté à son âme et à la source de tout ce qui existe. Cela peut se traduire par une augmentation de l'intuition, de la créativité et de la capacité à ressentir l'amour et la compassion pour soi-même et les autres. De plus, l'éveil de la Kundalini peut permettre de débloquer et de guérir les blessures émotionnelles et psychologiques, conduisant à une plus grande liberté intérieure et une meilleure santé mentale. La science derrière la Kundalini, explorer ses aspects biologiques et neurologiques. Le rôle des canaux énergétiques dans l'activation de la Kundalini. Du point de vue de la science, la Kundalini peut être considérée comme l'éveil du potentiel latent de notre système nerveux. Selon la tradition yogique, notre corps énergétique est traversé par un réseau de canaux subtils appelés nadis à travers lesquels circule l'énergie vitale ou prana. Dans le processus d'activation de la Kundalini, ces canaux sont débloqués et activés, permettant ainsi à l'énergie de circuler librement tout au long de notre corps. Cela peut créer un sentiment de plénitude, de vitalité et de bien-être, tout en éliminant les blocages émotionnels et énergétiques. Le rôle des nadis est donc crucial dans l'éveil de la Kundalini, car ils servent de voie de circulation pour cette énergie puissante. Parmi tous les nadis, trois sont particulièrement importants: la Sushumna nadi, qui correspond à notre colonne vertébrale et qui est considérée comme le canal central, et les deux nadis latéraux Ida et Pingala, qui représentent respectivement les énergies féminines et masculines. L'objectif de l'activation de la Kundalini est de faire monter cette énergie le long de la Sushumna nadi, en harmonisant Ida et Pingala, pour atteindre l'équilibre intérieur et l'unification de l'être. Processus neurologique et phénomène de Kundalini. Les scientifiques ont également étudié les processus neurologiques sous-jacents aux expériences de Kundalini. Les neuroscientifiques pensent que lors de l'éveil de la Kundalini, il y a une activation de régions cérébrales spécifiques, notamment le cortex préfrontal, l'amygdale et le thalamus, qui sont impliqués dans les états de conscience, les émotions et la perception. De plus, des études ont suggéré que l'activation de la Kundalini pourrait être liée à la production accrue de neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine et les endorphines, qui sont associés à des états de bien-être, de motivation et de réduction de la douleur. Ces processus neurologiques pourraient contribuer aux expériences spirituelles intenses et aux états de conscience modifiés rapportés par les individus qui subissent l'éveil de la Kundalini. Il est également important de noter que, bien que la science commence à comprendre les bases physiologiques de ces phénomènes, l'expérience de Kundalini reste profondément spirituelle et subjective pour les personnes qui y sont confrontées. Les scientifiques et les chercheurs continuent d'explorer cet aspect fascinant de la spiritualité et de l'être humain. Le système chakra et la Kundalini, connecter les centres d'énergie dans le corps. Aperçu des sept chakras. Le système des chakras, qui est une partie intégrante de la philosophie Kundalini, se compose de sept centres énergétiques majeurs situés le long de la colonne vertébrale. Ces chakras sont considérés comme des points de concentration pour l'énergie vitale, qui s'écoule de et vers le corps physique, émotionnel et spirituel. Afin de comprendre comment le système des chakras est associé à l'éveil de la Kundalini, voici un aperçu des sept chakras principaux et de leurs fonctions. Le chakra racine, Muladhara, situé à la base de la colonne vertébrale, il est lié à la sécurité, la stabilité et la confiance en soi. Le chakra sacré, Svadhisthana, situé dans la région pelvienne, il est associé à la sexualité, la créativité et les émotions. Le chakra du plexus solaire, Manipura, situé dans la région de l'estomac, il est lié au pouvoir personnel, à l'estime de soi et à la volonté. Le chakra du cœur, Anahata, situé près du centre de la poitrine, il est associé à l'amour, à la compassion et à la capacité de pardonner. Le chakra de la gorge, Vishuddha, situé dans la région de la gorge, il est lié à la communication, l'expression et la vérité. Le chakra du troisième œil, Ajna, situé entre les sourcils, il est associé à l'intuition, l'imagination et la clairvoyance. Le chakra de la couronne, Sahasrara, situé au sommet de la tête, il est lié à la conscience universelle, la transcendance et l'unité avec le divin. Lors de l'éveil de la Kundalini, l'énergie dormante monte à travers ses centres énergétiques, les purifiant et les équilibrant pour créer un canal harmonieux pour la libre circulation de l'énergie. Cette ascension de l'énergie Kundalini jusqu'au chakra de la couronne symbolise l'éveil spirituel et la réalisation de notre véritable potentiel. Relation de Kundalini avec le système chakra. La relation entre Kundalini et le système des chakras est étroite et indissociable. L'éveil de la Kundalini, ou l'énergie latente qui se trouve à la base de la colonne vertébrale, entraîne une montée de cette énergie à travers les différents chakras. Ces centres énergétiques, situés le long de la colonne vertébrale, représentent divers aspects de notre vie, tels que la sécurité, la créativité, l'amour et la transcendance. Au fur et à mesure que l'énergie Kundalini monte, elle active et purifie chaque chakra, dissipant les blocages et les déséquilibres. Ce processus permet un flux harmonieux d'énergie à travers tout le corps, qui contribue à notre équilibre émotionnel, mental et spirituel. La relation entre Kundalini et les chakras est donc essentielle pour comprendre le processus d'éveil spirituel. La purification et l'activation de chaque chakra permettent d'accéder à des états de conscience supérieurs et à une plus grande réalisation de soi. En explorant et en maîtrisant cette relation, les pratiquants peuvent s'engager dans un profond voyage de croissance et de transformation intérieure. Le voyage de l'éveil de la Kundalini, étapes, symptômes et défis. Le processus d'éveil de la Kundalini peut être divisé en plusieurs étapes, accompagné de symptômes et de défis spécifiques. Voici un aperçu de ce processus. Stade de pré-éveil, signe d'agitation de la Kundalini. Avant l'éveil complet de la Kundalini, il y a souvent des signes subtils que l'énergie dormante en vous commence à s'agiter. Vous pouvez ressentir un profond désir de croissance spirituelle, une intuition accrue ou une sensibilité accrue à l'énergie. Certaines personnes signalent également des sensations physiques telles que des picotements, de la chaleur ou une pression dans le corps. Ces signes indiquent que quelque chose d'excitant se prépare en vous. Étape 1, l'éveil. L'éveil lui-même peut se produire de manière spontanée ou être initiatique par des pratiques spirituelles telles que la méditation, le yoga ou d'autres pratiques de réveil. Lorsque la Kundalini commence à s'éveiller, vous pourriez ressentir une série de symptômes physiques, émotionnels et mentaux, tels que des visions, des rêves intenses, des sentiments de joie et de bien-être, mais aussi des émotions négatives et des tensions physiques. Étape 2, la montée de l'énergie. Lorsque la Kundalini commence à monter le long de la colonne vertébrale, les symptômes deviennent plus intenses. Vous pourrez ressentir une chaleur intérieure, des vibrations, une pression sur votre épine dorsale et une augmentation de votre sensibilité psychique. Cette étape peut être aussi une période de purification intense, au cours de laquelle des blocages émotionnels et des traumatismes cachés peuvent être libérés. Étape 3, l'équilibre et l'intégration. Lorsque la Kundalini atteint le sommet du crâne, le chakra de la couronne, un sentiment de transcendance, de paix et d'unité peut être ressenti. À ce stade, le corps, l'esprit et l'âme sont en parfaite harmonie, et la personne peut entamer un processus de guérison et d'intégration complète de l'expérience. Tout au long de ce voyage, des défis physiques, émotionnels et spirituels peuvent survenir. il est important d'être entouré de guides spirituels, de guérisseurs ou de pratiquants expérimentés qui peuvent vous soutenir et vous aider à naviguer avec prudence et sagesse à travers cette transformation spirituelle profonde. Kundalini Rising, expérience et transformation. Lorsque la Kundalini commence à s'élever, cela peut être une expérience transformatrice et profonde. Vous pouvez ressentir des poussées d'énergie intenses dans votre corps, souvent décrites comme des vagues ou des courants. Ces sensations peuvent être accompagnées de picotements, de sensations de chaleur ou de froid, et de vibrations internes. Parallèlement à ces sensations physiques, de nombreuses personnes rapportent des états de conscience accrus, des moments de bonheur intense et une connexion profonde avec le divin. C'est alors que la Kundalini commence vraiment à faire son travail magique, vous ouvrant à de nouveaux niveaux de conscience et de découverte de soi. Vous pouvez vous sentir plus centré, plus créatif et plus ouvert à l'amour et à la compassion. Cette transformation peut également entraîner des changements significatifs dans votre vie. Vous pourrez repenser vos choix de carrière, vos relations et votre mode de vie. La Kundalini vous aide à vous aligner sur votre but dans la vie et à vivre en accord avec votre plus haut potentiel. Défi tout au long du processus d'éveil de la Kundalini. Bien que le voyage d'éveil de la Kundalini soit sans aucun doute impressionnant, il n'est pas sans défi. L'énergie intensifiée peut parfois submerger le système, entraînant des bouleversements physiques et émotionnels. Il n'est pas rare de faire face à des moments d'anxiété, des sautes d'humeur ou même un sentiment temporaire de déconnexion de la réalité. Certaines personnes peuvent également expérimenter des symptômes physiques temporaires, tels que des maux de tête, des nausées, des frissons ou de l'insomnie. Ces symptômes sont généralement considérés comme des réactions normales à la puissante énergie Kundalini qui se réveille et circule à travers le système subtil du corps. Il est important de se rappeler que ces défis font partie du processus et doivent être relevés avec patience et compassion. Des pratiques comme la méditation, le yoga et la respiration consciente peuvent vous aider à naviguer avec plus de facilité à travers cette période de transformation. Six techniques pour réveiller et exploiter l'énergie de la Kundalini, méditation, yoga et respiration. Méditation Kundalini, pratique d'éveil et d'équilibrage de l'énergie. La méditation Kundalini est une pratique puissante qui vise à éveiller et équilibrer l'énergie de la Kundalini. Elle utilise diverses techniques pour aider à calmer l'esprit, à créer un espace de paix intérieure et à faciliter la libre circulation de l'énergie Kundalini dans tout le corps. Les principales techniques utilisées dans la méditation Kundalini comprennent 1. La concentration sur la respiration, pranayama. La respiration consciente est une composante clé de la méditation Kundalini. Des techniques telles que la respiration diaphragmatique, la respiration alternée des naseaux et la respiration profonde peuvent être utilisées pour générer et diriger l'énergie à travers les chakras. 2. Les visualisations. La visualisation joue un rôle important dans la méditation Kundalini. La visualisation d'une lumière ou d'une énergie qui monte le long de la colonne vertébrale, passant par chaque chakra et les purifiant peut être utilisé pour activer la Kundalini. 3. Le chant de mantra. Les mantras sont des sons, des syllabes ou des phrases répétées pendant la méditation Kundalini. Le mantra le plus commun dans cette pratique est Sat Nam qui signifie « vérité et mon identité ». Le chant de mantra aide à créer une vibration qui active et harmonise la Kundalini. 4. La méditation guidée. Pour les débutants, la méditation guidée peut être très utile. Cela implique généralement l'écoute d'un enregistrement ou d'un guide spirituel qui vous guidera à travers différentes techniques et visualisations pour réveiller et équilibrer la Kundalini. La pratique régulière de la méditation Kundalini permet non seulement d'éveiller l'énergie Kundalini, mais aussi d'équilibrer et d'harmoniser son énergie dans tout le corps. Cela peut mener à une plus grande santé, bien-être et unité intérieure, ainsi qu'à une connexion plus profonde avec le divin. Kundalini Yoga, Asanas et Kriyas pour exploiter l'énergie Kundalini. Le yoga Kundalini est une pratique dynamique qui combine des postures physiques, asanas, des techniques de respiration, pranayama, et des chants, mantras, pour stimuler l'énergie kundalini. Le yoga kundalini est une pratique spécifique développée par Yogi Bhajan, qui a adapté des techniques anciennes de yoga et de méditation pour répondre aux besoins du monde moderne. La pratique implique généralement des mouvements répétitifs et des techniques de respiration puissantes appelées kriyas, qui activent et canalisent l'énergie à travers les centres d'énergie, chakras, du corps. Les kriyas sont des séquences spécifiques de postures, de respiration et de sons qui ont pour but de réveiller et de guider l'énergie kundalini vers le chakra couronne. Certains des asanas couramment pratiqués dans le yoga kundalini comprennent la posture de la grenouille, mandukasana. Cette posture stimule les chakras inférieurs et active l'énergie kundalini. La posture de l'archer, Akarna Dhanurasana. Cette posture stimule le chakra du cœur et permet de relâcher les émotions bloquées. La posture de la méditation sur les talons, Vajrasana. Cette posture permet de s'ancrer dans la terre et de se connecter à l'énergie terrestre. Les kriyas couramment pratiquées dans le yoga kundalini comprennent kriya de feu, Agnisara. Cette kriya active le chakra du plexus solaire et stimule la digestion et la circulation. Kriya de respiration légère, Sukha Pranayama. Cette kriya calme l'esprit et apaise le système nerveux. Kriya de mouvement spinal, Sushumna Kriya. Cette kriya stimule l'axe central de l'énergie kundalini, appelé Sushumna Nadi. Le yoga kundalini n'est pas seulement un moyen fantastique d'éveiller l'énergie kundalini, mais aussi d'améliorer la force, la flexibilité et la résistance physique. En plus de ses avantages physiques, la pratique de kundalini yoga aide à libérer les blocages émotionnels et énergétiques, à améliorer la concentration et à atteindre un état de paix intérieure et de bien-être. Cette pratique peut être adaptée à tous les niveaux, des débutants aux yogis expérimentés, et constitue une voie puissante pour l'éveil spirituel et la transformation personnelle. Technique de respiration et de pranayama pour l'activation de la kundalini. Les techniques de respiration et de pranayama sont essentielles pour l'activation de l'énergie kundalini. Ces pratiques spécifiques aident à augmenter et à équilibrer le flux de prana, énergie vitale, dans les canaux énergétiques subtils du corps, facilitant ainsi l'éveil de kundalini. Les exercices de respiration et de pranayama ont pour but d'augmenter la sensibilisation, de clarifier les pensées et de calmer l'esprit, créant ainsi un environnement propice à l'éveil de kundalini. Certains des exercices de respiration kundalini et de pranayama les plus courants comprennent une respiration alternée des narines, Nadi Shodhana Pranayama. Cette technique permet de purifier et d'équilibrer les canaux de circulation de l'énergie, Nadi, en particulier Ida et Pingala, qui sont considérés comme les deux forces fondamentales de l'énergie kundalini. De le souffle de feu, Kapalabhati Pranayama. Ce puissant exercice de respiration stimule le chakra du plexus solaire et active l'énergie kundalini. Le souffle de feu aide à brûler les blocages énergétiques et à purifier les canaux énergétiques du corps. 3 respirations lentes et profondes, Ujjayi Pranayama. Cette technique implique une respiration lente et profonde avec un souffle audible, ce qui permet de calmer l'esprit et de diriger l'énergie kundalini vers les chakras supérieurs. 4 rétention de la respiration, Kumbhaka Pranayama. La rétention de la respiration, pratiquée avec prudence et sous la supervision d'un professeur expérimenté, permet de créer une puissante accumulation d'énergie qui favorise l'éveil de kundalini. Lorsque pratiquée avec attention et sous la supervision d'un guide expérimenté, ces exercices de respiration et de pranayama puissants peuvent devenir un catalyseur pour l'éveil de kundalini et une transformation spirituelle profonde. En utilisant la respiration pour influencer le flux d'énergie, ces pratiques contribuent à équilibrer et à harmoniser l'énergie kundalini dans tout le corps, offrant ainsi une expérience de paix intérieure et d'unité. Cette kundalini et transformation spirituelle, améliorer la conscience et l'illumination. Kundalini comme catalyseur de croissance spirituelle. L'énergie Kundalini est un catalyseur puissant pour la croissance et la transformation spirituelle. Lorsqu'elle est éveillée et qu'elle monte à travers les chakras, elle entraîne une profonde purification et une activation de nos centres énergétiques, réveillant ainsi des potentiels dormants en nous. Cette énergie nous conduit vers de nouveaux sommets de conscience et favorise une plus grande compréhension de notre véritable nature spirituelle. Le processus d'éveil de la Kundalini peut entraîner de profonds changements dans notre conscience et notre perception du monde qui nous entoure. Nous nous connectons à des niveaux de conscience plus élevés, accédant à une sagesse intérieure et un savoir intuitif. Nous pouvons expérimenter une connexion profonde avec le divin, ressentir l'unité et l'interconnexion entre toutes les choses et laisser émerger une compréhension plus approfondie de notre but dans la vie. La Kundalini est un feu sacré qui brûle en nous et qui nous conduit vers une transformation complète de notre être. Grâce à son pouvoir d'éveil et de purification, elle nous aide à nous débarrasser de nos blocages, de nos peurs et de nos croyances limitantes, nous permettant ainsi d'atteindre un état de paix et de joie intérieure. En travaillant avec l'énergie Kundalini de manière respectueuse et attentive, nous pouvons nous engager dans un voyage spirituel unique, où chaque pas nous conduit vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. La Kundalini est un cadeau sacré qui nous permet de nous connecter à notre véritable potentiel spirituel et de vivre notre vie dans une plénitude et une gratitude permanente. Éveil de la Kundalini et expansion de la conscience. Lorsque la Kundalini s'éveille, elle déclenche un processus de croissance spirituelle en plusieurs étapes, menant à une expansion de la conscience et à une transformation profonde de l'être. Ces étapes comprennent l'expansion de la conscience, l'intégration et la réalisation. Expansion de la conscience. L'éveil de la Kundalini entraîne une expansion de la conscience, où vous commencez à percevoir le monde et vous-même d'une manière plus élargie et plus connectée. Vous devenez plus sensible aux énergies subtiles, aux synchronicités et à l'interdépendance de tous les aspects de l'existence. Cette phase est souvent caractérisée par une plus grande intuition, une perception accrue de la beauté et de la magie de la vie, et une connexion profonde avec le divin. Intégration. Après l'expansion de la conscience, vient une phase d'intégration, où vous apprenez à intégrer les nouvelles perspectives et les changements énergétiques dans votre vie quotidienne. Cette période peut être marquée par des changements de mode de vie, de relations et de perspectives qui reflètent votre croissance spirituelle. L'intégration implique la guérison des blocages émotionnels, la libération des croyances limitantes et l'alignement avec votre but dans la vie. Réalisation. La réalisation est la phase finale de la croissance spirituelle, où vous atteignez une profonde compréhension de votre véritable nature et de votre unité avec le divin. C'est un état d'être dans lequel vous vivez en pleine conscience, dans la joie, la gratitude et l'amour inconditionnel. La réalisation ne signifie pas que votre chemin spirituel est terminé, mais plutôt qu'il a atteint un niveau plus profond et plus intégré d'existence. L'éveil de la Kundalini est un voyage spirituel unique, où chaque étape de croissance vous amène à explorer les profondeurs de votre être et à découvrir le potentiel illimité de votre conscience. C'est un processus magnifique et transformateur, qui peut changer votre vie en profondeur et vous amener à une plus grande connexion avec le divin et avec toute l'existence. Expérience personnelle d'éveil de la Kundalini, témoignage de changement de vie. L'éveil de la Kundalini est une expérience unique pour chaque individu, qui entraîne souvent des changements profonds et transformateurs dans la vie de celui ou celle qui le vit. Voici quelques exemples de personnes ayant vécu l'éveil de leur Kundalini et les changements qu'elles ont observés dans leur vie. Alexandra. Alexandra, designer graphique de 45 ans, a découvert le yoga Kundalini lors d'une période de stress intense au travail. Au cours de ses pratiques, elle a commencé à ressentir une sensation d'énergie montant le long de sa colonne vertébrale. Depuis son éveil de Kundalini, Alexandra a noté une diminution de son stress et une plus grande connexion avec son intuition et sa créativité. Michael, enseignant de 32 ans, a commencé à pratiquer le yoga Kundalini pour s'aider à surmonter une profonde dépression. Après quelques mois de pratique, il a commencé à éprouver des sensations intenses de chaleur et de vibrations dans sa colonne vertébrale. Avec le temps, l'éveil de sa Kundalini l'a aidé à libérer les blocages émotionnels et à se reconnecter à sa joie de vivre. Emma, architecte de 51 ans, a commencé à explorer le yoga Kundalini à la recherche d'une plus grande connexion avec elle-même et le monde. Pendant une séance de méditation, elle a ressenti une puissante énergie remontant le long de sa colonne vertébrale, accompagnée d'un sentiment de paix et de clarté. Depuis l'éveil de sa Kundalini, Emma a observé une plus grande clarté dans sa vie, ainsi qu'une capacité accrue à suivre son intuition et à prendre des décisions équilibrées. Raja, musicien de 28 ans, a été introduit au yoga Kundalini par son père, qui était un pratiquant passionné. Lors d'une séance de respiration profonde, Raja a ressenti une énergie vibrante le long de sa colonne vertébrale, s'accompagnant d'un sentiment d'extase et de bien-être. Depuis son éveil de Kundalini, Raja a noté une plus grande créativité dans sa musique, ainsi qu'une plus grande confiance en lui-même et un sentiment de connexion avec le divin. Ces exemples démontrent la manière dont l'éveil de la Kundalini peut transformer la vie des individus, aidant à surmonter les difficultés, à libérer les blocages et à se reconnecter à leur nature véritable. Chaque chemin est unique et peut apporter des leçons précieuses pour la croissance spirituelle et l'éveil de la conscience. La prudence lors de l'éveil de la Kundalini, précaution et préparation pour un chemin équilibré. L'éveil de la Kundalini est une expérience puissante qui peut amener une profonde transformation intérieure. Toutefois, il est essentiel de prendre certaines précautions pour éviter les éventuelles difficultés et assurer un processus de développement harmonieux et équilibré. Une direction et conseil d'experts. L'éveil de la Kundalini doit être entrepris sous la direction d'un maître ou d'une maîtresse expérimentée en Kundalini Yoga. Cela vous aidera à mieux comprendre le processus, à répondre à vos questions et à gérer d'éventuels défis qui pourraient survenir durant votre cheminement. Deux connaissances et préparation. Éduquez-vous sur l'éveil de la Kundalini et ses aspects potentiellement difficiles. En prenant connaissance des effets secondaires possibles, tels que des sensations physiques intenses, des émotions fluctuantes ou une prise de conscience accrue, vous serez mieux préparé pour gérer ces expériences lorsqu'elles se présenteront. 3 pratiques régulières et progressives. Plutôt que de vous précipiter pour réveiller votre Kundalini, optez pour une pratique régulière et progressive. Cela vous permettra de créer une fondation solide et stable pour l'expansion de votre conscience et de minimiser les risques de déstabilisation émotionnelle ou psychologique. 4. Bien-être physique et émotionnel. Assurez-vous de prendre soin de votre corps, de votre esprit et de votre énergie pendant le processus d'éveil. Pratiquez des activités qui nourrissent votre bien-être, comme la nutrition saine, la méditation, la détente et les exercices de respiration. 5. Création d'un réseau de soutien. Entourez-vous de personnes qui vous soutiendront dans votre cheminement spirituel. Le soutien émotionnel de votre famille, de vos amis ou de vos collègues pratiquants de Kundalini Yoga peut être d'une grande aide lorsque vous traversez des moments difficiles. En suivant ces précautions et en vous engageant dans une pratique régulière et progressive, vous pourrez créer un environnement propice à un éveil de la Kundalini harmonieux et bénéfique pour votre croissance spirituelle et votre transformation intérieure. Illumination et réalisation de soi grâce à la Kundalini. En fin de compte, l'éveil de la Kundalini est un voyage vers la réalisation de soi et l'illumination. C'est un chemin qui mène à une compréhension profonde de votre vraie nature et de l'interdépendance de tous les êtres. Alors que l'énergie Kundalini monte et fusionne avec votre moi supérieur, vous expérimentez un état de pure félicité et de transcendance. Cet état d'illumination vous permet de vivre avec plus de conscience, de compassion et d'amour, non seulement pour vous-même mais pour toute la création. Embrassez le voyage et laissez la magie de la Kundalini se dérouler dans votre vie. En conclusion, L'exploration de la Kundalini a mis en lumière le profond potentiel de croissance et de transformation spirituelle qui réside en chacun de nous. En comprenant les origines et la signification de Kundalini, ainsi que la science derrière son éveil, nous avons acquis des informations précieuses sur cette énergie mystique. Que vous choisissiez de vous lancer dans le voyage de l'éveil de la Kundalini ou simplement d'approfondir votre compréhension de cette pratique ancienne, la sagesse et les pratiques partagées dans cet article peuvent servir de guide. Embrassez le pouvoir de Kundalini et puisse-t-il vous conduire vers une conscience élargie, l'illumination et une connexion plus profonde avec votre véritable moi. Page 25. Nous allons pouvoir écouter une méditation pour réveiller la Kundalini. Page 25.